La politique t'a gâté mon pays. La Côte d'Ivoire, mon beau pays, pays d'hospitalité, pays de fraternité. Mais les politiciens ont décidé de te transformer. Ma Côte d'Ivoire, je ne veux plus te voir en larmes. Ma Côte d'Ivoire, je ne veux plus te voir prendre les armes. L'un venait du nord et portait le croissant des hommes qui chantent Bissimila. Je me rappelle, l'autre portait autour du cou une croix de Yamoussoukro. Il s'en allait pour travailler la terre. Sans partage égal, c'est la guerre. Et puis les deux frères, chacun de leur côté, l'un cultivant sa différence et l'autre l'ivoirité. Berry, berry, c'est que ma boyoua, maman, y'a bouillé, y'a somebody binaye. Saki la ki ra saki gi sirike la ki ra san mari pinaye o wa tu du ye no manyem de te te ha ma manye de o ha la ki ma o ke ni ma me ben kramen be o ke ni ma me ben kramen be ke ni ma me ben kramen be o famille divisée ne pourra jamais prospérer. Allons frères et sœurs, notre avenir se trouve dans l'unité. Tout reste à faire sur notre continent en jachère. Il attend d'être travaillé et c'est sûr qu'il va beaucoup donner. Il est temps pour nous de nous unir, sinon nous allons tous périr. Ma Côte d'Ivoire, je ne veux plus te voir en larmes. Ma Côte d'Ivoire, je ne veux plus te voir prendre les armes. Ma Côte d'Ivoire, je ne veux plus te voir en larmes.